Page 19. Le vote. Alors ça y est, tu reviens du bureau de vote? Quel bureau de vote? T'es pas allé voter? Non, je ne vote pas. D'ailleurs, je ne suis même pas inscrit sur les listes électorales, puisque ce n'est pas obligatoire. Sans blague. Mais aujourd'hui, c'est le premier tour des législatives, c'est important, non? Tu y crois vraiment, toi? Pour moi, les politiciens sont tous les mêmes, tous à mettre dans le même sac. Tu ne votes même pas pour les municipales? La mairie, ça, c'est du concret. On prend des décisions qui concernent notre vie quotidienne. Tu sais, la largeur de la Grand-Rue et le nom du nouveau stade, ça me passionne pas vraiment. Ne cherche pas à me convaincre, tu n'y arriveras pas. Et ce ne sont pas tous ces politiciens mis en examen qui me feront changer d'avis. C'est pas vrai, hein? Comment tu peux penser des choses pareilles? C'est dingue. Nous sommes tous des citoyens, avec des droits, mais aussi des devoirs. Quand tu entends tous ces discours racistes dans les médias, tu n'as pas envie de réagir? Et l'écologie, l'avenir de la planète et de tes enfants, ça ne te concerne pas? Arrête, tu vas me faire chialer. Tu ne vas pas chanter la Marseillaise, au moins. On ne peut jamais discuter avec toi. Tu ne prends rien au sérieux. Si, si, il y a certaines choses que je prends très au sérieux. L'heure de l'apéritif, par exemple. Allez, on va boire un coucher Colette ?